te chantent cette fin de nuit. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 juin 2018. Voici les grands titres de cette édition. Les anciens présidents ne sont plus des sénateurs d'office. Selon un règlement d'ordre intérieur adopté ce lundi, vous aurez les explications du deuxième vice-président du Sénat. Mais le président Sylvestre Nwanonganya, qui n'a pas voulu s'exprimer sur notre antenne, dit néanmoins que la loi a été violée. Et le phénomène de mendicité reprend dans la capitale Bujumbura après 2 mois d'interdiction conjuguée de 3 ministres du gouvernement. C'est un reportage que vous suivrez dans ce journal. Et les travailleurs de la station de lavage du café de Mirango en zone Mivo de la commune et province Ngozi sont en grève depuis vendredi passé. Ils réclament 2 mois d'arriéré de salaire auprès de leur employeur. La Sogestal Ngozi et 24 employés des antennes provinciales du plan se plaignent qu'ils vont bientôt passer 3 mois sans être rémunérés. Vous en aurez les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Les anciens chefs d'État ne sont plus sénateurs à vie, comme le stipulait l'ancien règlement d'ordre intérieur régissant la haute chambre du Parlement. Cela a été dit ce lundi par le deuxième vice-président du Sénat burundais après approbation du nouveau règlement d'ordre intérieur conforme à la nouvelle constitution. Suivez plutôt honorable Anissé Niyongabo, c'est le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. La constitution du 7 juin 2018 a supprimé les dispositions selon lesquelles les anciens chefs d'État devenaient sénateurs à vie. À ce titre, nous avons aussi supprimé les dispositions du règlement intérieur du Sénat qui faisaient allusion au siège des anciens présidents de la République. Vous avez vu dans la salle que les sièges des anciens présidents de la République ne sont plus prévus. Honorable Anissé Niyongabo, un des anciens présidents de la République qui était sur la liste des sénateurs, qui n'a pas voulu s'exprimer, a indiqué à la radio Isanganiro que cette décision a été prise en violation de la loi. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM dénonce les pertes enregistrées par des commerçants qui ont des stands dans les marchés réhabilités dans la capitale Bujumbura suite au report répétitif de date de leur réouverture. Selon le président de cette organisation, l'environnement des affaires est mis à mal par ce retard. Faustin Dikoumana demande à la hiérarchie administrative de prendre en main cette question et de mener des enquêtes pour punir les coupables en cas de responsabilité établie. C'est un environnement des affaires au niveau du territoire privé qui est en train d'être bafoué parce que si on est en train de faire reculer les dates de démarrage, d'opérationnalisation du fonctionnement de ces marchés, c'est une perte pour ces opérateurs économiques. Et on voit ça comme des intérêts des uns et des autres qui sont en train d'être mis en avant. On a constaté même dans le passé, à un moment où la réouverture des marchés était retardée parce que des agents de l'administration voulaient d'abord se tailler une part d'orio dans la décision de ces parcelles et de sur quoi les faire louer aux vrais commerçants qui exercent le commerce sur ces marchés. Ces commerçants doivent toujours s'organiser dans des coopératives, dans des associations pour faire entendre leur voix. Exiger la redevabilité, une solidarité citoyenne et couplée avec ces institutions, de l'action de ces institutions, en l'occurrence l'API, qui doivent aussi montrer leur capacité d'aider à ce que l'environnement des affaires soit effectif dans notre pays. Nous interpellons la conscience du gouvernement pour prendre en charge cette question. Il y a des mesures administratives d'abord pour mettre hors d'état de nuire, mais il y a la justice qui doit punir pour sévir contre ça et punir avec la plus grande sévérité les gens qui sont craints d'accès au comportement de bas étage. C'était Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. La mendicité faite par des enfants de la rue refait surface dans la capitale Bujumbura après 2 mois d'interdiction du phénomène par 3 ministres du gouvernement. Les enfants mendiants rencontrés dans les rues du centre-ville disent que la pauvreté est la cause principale de cette pratique. Ils demandent au gouvernement de les intégrer dans les centres de métiers afin de bénéficier des enseignements de qualité, faute de quoi ils n'entendent pas quitter la capitale malgré les mesures prises pour les retourner dans les collines d'origine. Reportage de Jean-Marie Vianney, Gendakoumana. C'est certains des enfants mendiants de la rue dans la ville de Bujumbura. Ceux qui se sont exprimés sur les micros de la radio Isanganiro disent que la pauvreté est la cause principale de leur situation. C'est la pauvreté qui nous pousse à revenir dans la rue. Si nous sommes arrêtés, on nous relâche après quelques jours, mais nous n'avons qu'à y retourner pour la mendicité. L'un de ses enfants de la rue précise que la vie de la rue n'est pas du tout facile. La vie dans la rue est très dure. Quand nous sommes en train de mendier, il y en a qui nous donnent et d'autres qui refusent. Il y en a aussi qui nous insultent et d'autres qui nous battent. Il arrive même que la police nous arrête. Ces enfants demandent au gouvernement de les regrouper dans les centres, en fait de leur apprendre des métiers pour ne plus mendier. Ce que nous demandons à l'État, c'est de nous faire quitter de la rue pour nous mettre dans des centres et nous apprendre des métiers afin de ne plus mendier. Nous demandons aussi qu'on prenne soin des enfants de la rue, car nous sommes aussi des enfants comme tant d'autres. Voilà mon appel à l'État. Les bienfaiteurs devraient nous venir en aide, soit en nous réintégrant dans les écoles techniques, soit en nous donnant des formations dans le sens de nous préparer pour la vie active. La situation est ainsi au moment où, ce 19 juillet 2018, 2 mois se sont écoulés après la publication de l'ordonnance ministérielle qui consistait de faire quitter tous les enfants de la rue dans toutes les villes de notre pays. Une ordonnance qui a été co-signée par 3 ministres, à savoir ministre de la Sécurité publique, ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, ainsi que celui de la Solidarité. Jean-Marie Vianney, Gendakoumana. 24 employés des antennes provinciales du plan se plaignent qu'ils vont bientôt passer 3 mois sans être rémunérés. Ils pensent que le retard de leur salaire aurait été causé par le récent réaménagement de certains ministères. Ces travailleurs demandent au ministère des Finances, qui est leur ministère de tutelle, de les rétablir dans leurs droits. On écoute un d'entre eux au téléphone avec Elie Nibel Nibikira. Nous venons de passer exactement 2 mois sans être payés, c'est-à-dire au mois d'avril et au mois de mai. Et maintenant, le mois aussi de juin va bientôt prendre fin. Et nous voyons que si rien n'est fait, on ne va pas percevoir le salaire de ce mois. Nous sommes 18 provinciaux, plus de quelques personnels qui travaillent au ministère du développement communal, aujourd'hui le ministère de la décentralisation. Est-ce que vous en savez la cause? Non, nous ne connaissons pas la cause exactement, parce que, par exemple, le mois d'avril, on était dans le ministère du développement communal. Pour ce mois, nous ne pouvons pas comprendre la cause de ce retard, parce que le réaménagement du gouvernement n'était pas encore eu lieu. Donc, on devrait percevoir directement notre salaire du mois d'avril au ministère de développement communal. Il y a un décret présidentiel portant réaménagement du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2018 conformément au changement de la structure du gouvernement du 19 avril. Dans ce décret, on précise bien que l'antenne provinciale du plan loge dans le ministère des Finances, du budget et de la coopération et du développement économique. Le ministère des Finances devrait payer les salaires de ces antennes provinciales du plan. Le budget a été affecté dans ce même ministère. Est-ce que vous avez saisi ce ministère des Finances? Nous avons dépêché une délégation pour 2 ministères, le ministère de la décentralisation et le ministère des Finances. Pour la décentralisation, on avait promis de donner directement le salaire d'avril, mais on n'a pas encore donné ça. Ce que nous demandons, c'est que ces 2 ministères se mettent ensemble le plus rapidement possible pour nous accorder nos salaires. Nous avons contacté le ministère des Finances et le porte-parole de ce ministère nous a indiqué qu'il était en réunion de travail. Et le ministre de la fonction publique, Félix Mozeriniga, nous a fait savoir qu'il était en mission de travail et que les salaires de ses employés ne sont pas gérés au ministère de la fonction publique avant de nous renvoyer au ministère de la décentralisation que nous continuons à chercher. Grogne également chez les travailleurs de la station de lavage du café de Mirango en zone Mivo de la commune et province Ngozi. Ils sont en grève depuis vendredi passé. Ils réclament 2 mois d'arriéré de salaire auprès de leur employeur, la Sogestal Ngozi. Conséquence, la qualité de ce café se détériore de plus en plus car les tables pleines de cette culture restent couvertes depuis vendredi. Et certains des employés de cette société demandent l'intervention du gouvernement afin de sauver la situation, étant donné qu'il a des actions à la Sogestal. Apollinaire Mozagara. Ces travailleurs aux environs d'Osson indiquent qu'ils ont attendu leur salaire depuis le début de cette campagne café. Il y a environ 3 mois, les envies, ils n'ont reçu aucun franc. Malgré les promesses faites, déplorent-ils. Le représentant en commune Ngozi de la Fédération Orangokize des caféiculteurs d'Ngozi, Antoine Nzayo Maze, a approché ces travailleurs pour qu'ils attendent tout en restant au service afin de sauver ce café, mais sans succès, ils ont refusé. Arguant qu'ils sont affamés sur cette station de lavage café de Mirango, il ne reste que 10 employés qui ne peuvent presque rien sauver vu d'importantes quantités de cette culture étalées sur les tables. Aussi, Lambert Nunzoumne, coordonnateur technique au sein de cette fédération qui s'est rendu sur terrain ce lundi, parle d'une situation déplorable vu la qualité actuelle de ce café. Nous avons tenté de contacter le DT général de la société Ngozi pour en savoir plus, mais des sources sur place indique qu'il est en train de courir pour tenter une situation à ce problème d'argent. Les mêmes sources précisent que ce n'est pas la seule station de Mirango qui est en difficulté financière, que même les autres stations gérées par la société Ngozi sont concernées. Certains du personnel de la société Ngozi suggèrent l'intervention du gouvernement pour sauver ce café, poumon de l'économie nationale, étant donné qu'il est le principal actionnaire de la société Ngozi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Santé à présent, plus de 80 000 enfants de 6 à 59 mois sont attendus dans la province de Bobanza pour recevoir la vitamine A et environ 200 enfants de 1 à 14 ans vont recevoir l'albendazole contre les verminoses. C'est au cours de cette campagne Semaine Santé Mère Enfant, une campagne qui commence ce mardi et qui va durer toute la semaine. Spes Caritas Cavagnana. Cette semaine a été baptisée Semaine Santé Mère Enfant, comme ça se voit sur les communiqués que les responsables sanitaires ont envoyés dans toutes les collines de cette province de Bobanza. Des enfants vont être vaccinés, les autres vont être traités contre les verminoses, de même que les femmes enceintes. 82 967 enfants de 6 à 59 mois vont recevoir la vitamine A selon les rapports disponibles au Bureau provincial de santé à Bobanza. 211 270 enfants de 1 à 14 ans vont être administrés de l'albendazole contre les verminoses, tout comme les femmes enceintes de 4 à 9 mois de grossesse. Les enfants de 18 mois à 24 mois seront vaccinés contre la rougeole au cours de cette semaine, selon la même source. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bobanza appelle tous les parents à répondre massivement à cette campagne dans le but d'éradiquer les maladies causées par les verminoses, la cécité et la rougeole, selon Dr Joël Wigirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bobanza. Spécialitas Kawanyana à Bobanza pour la radio Isanganiro. Merci Spes. Les contributions journalières de 100 francs burundais que donne chaque conducteur de taxi-vélo à mairie de Bujumbura est le résultat de la convention entre eux et les représentants de leurs associations. Dans le but de s'entraider mutuellement, le président de la coalition des associations des conducteurs de taxi-vélo le dit après les lamentations de ces conducteurs, comme quoi ces contributions ne leur servent à rien. Emmanuel Nimbona explique aussi que même le registre qu'ils utilisent a requis le consensus. Suivez-le dans une traduction d'Yves Irakose. Certes, il y a des problèmes parmi ces conducteurs de taxis vélos, spécialement ici à mairie de Bujumbura. Certains ne veulent pas participer aux travaux de développement communautaire. Nous nous sommes convenus sur la mise en place d'un cahier en vue de faire le suivi des présences. Ils peuvent ou ne pas accepter, ce n'est pas une décision, mais c'est une suggestion dans le but d'éviter le désordre. En gros, ils profitent de cette cotisation car on est en train de s'entraider mutuellement. C'est dans cette perspective que nous avons un bureau. En tant que membre de l'association, on contribue 100 francs bon du lundi au samedi. Nous avons un bureau dans lequel nous accueillons nos membres qui veulent exposer leurs problèmes. Nous les avons conseillés de prendre notre numéro de téléphone pour faciliter la résolution des conflits éventuels. Ceux qui se plaignent sont ceux qui se contentent de parler alors qu'ils ne font rien. Et plus de 32 000 rapatriés burundais sont déjà rentrés au Burundi en provenance de la Tanzanie. Déclaration de la représentante du HCR au Burundi, Hugo Uporti, qui a indiqué au cours d'une conférence de presse que ce processus de rapatriement continue. Elle a tenu à souligner que le Haut Commissariat pour les réfugiés est prêt à signer un accord avec le Congo et le Rwanda dans l'avenir pour qu'il y ait des rapatriés burundais venant de ces deux pays. Le rapatriement continue. Nous avons deux convois par semaine, à raison de 1 000 par convoi. Parfois, nous n'atteignons pas les 1 000 puisque le rapatriement est volontaire. Ceux qui se présentent sont enregistrés, ils signent un formulaire de rapatriement volontaire et sur cette base, nous faisons le transfert donc, de la Tanzanie vers le Burundi. Donc, c'est une opération qui continue. Nous avons à ce jour, je crois, 32 345 rapatriés en provenance de la Tanzanie. Quelle est la situation pour le Congo et le Rwanda? Alors, il faudrait qu'il y ait un accord. Mais il peut y avoir des spontanés. Quand un réfugié décide de rentrer chez lui, personne ne l'empêche de rentrer. Maintenant, lorsque ça doit être plus ou moins encadré par le HCR, et en ce moment, il y a cet accord, l'accord tripartite que nous signons avec les pays. Pour le Congo, il me semble qu'il y avait eu un moment, la demande du Congo, qui voulait rentrer en contact avec le pays, parce que ça doit être initié par les deux pays, le pays d'origine et le pays d'accueil, et le HCR vient en appui. En ce qui concerne le Rwanda, c'est vrai, nous attendons que la situation peut-être s'améliore pour qu'il y ait plus de gens qui vont rentrer du Rwanda. Et nous voyons comment nous pouvons appuyer. Lorsque le haut commissaire était là, c'était en avril dernier, il avait annoncé qu'il a eu un entretien avec les autorités rwandaises qui sont d'accord pour qu'il y ait donc un rapatriement des Burundais du Rwanda. Donc nous sommes en train de discuter en ce moment pour voir quel est le cadre à mettre en place pour que nous puissions commencer aussi le rapatriement en provenance du Rwanda. C'était Gogo Uporti, c'est la représentante du HCR au Burundi. Et les femmes ex-cuisinières des pêcheurs burundais n'ont pas encore la permission de reprendre leurs activités. Tel est en substance le contenu d'un communiqué sorti ce lundi par la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi. C'est après que des gens eurent collecté de l'argent auprès de ces femmes, sous prétexte qu'ils vont plaider en leur faveur pour la reprise de leurs activités. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans cette chronique santé, nous parlons de la maladie d'Ebola et Alida Naikeza s'est entretenue avec Dr Martin Manirakiza et c'est une rediffusion. Le virus d'Ebola provoque la maladie d'Ebola et ce virus se trouve dans les chauves-souris, comme l'explique Dr Martin Manirakiza, infectiologue. Le virus d'Ebola, c'est un virus qui normalement est hébergé par les chauves-souris, mais ces chauves-souris ne tombent jamais malades. Après, ces chauves-souris vont le transmettre aux animaux sauvages comme les singes. L'homme va se contaminer en manipulant du sang ou en manipulant des cadavres ou en mangeant ces animaux sauvages. Docteur Martin précise que la fièvre est un des symptômes de la maladie d'Ebola. C'est une forte fièvre. Ce sont des douleurs qui peuvent être localisées partout, au niveau du thorax, au niveau du ventre, au niveau de la peau, au niveau des articulations. Ça peut être aussi des signes neurologiques comme une perte de connaissance. Ça peut être aussi des vomissements ou une diarrhée qui peuvent entraîner un état de choc hypovolémique. Au stade ultime, le patient aura une hémorragie, d'abord interne, et une hémorragie qui va être extériorisée au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux, au niveau des urines, une diarrhée aussi sanglante. Pour cet infectiologue, personne n'est à l'abri de cette maladie, mais les plus exposés sont ceux qui mangent les animaux sauvages. Toute personne peut attraper ce virus. Ce sont des gens qui manipulent des animaux sauvages qui vont d'abord attraper ce virus, c'est-à-dire ces gens qui font la chasse. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui a le virus, c'est-à-dire que tout le monde peut attraper ce virus. Il va se localiser dans toutes les parties du corps, que ce soit au niveau du cerveau, du tube digestif, des organes génitaux, partout dans l'organisme, de façon à ce que toutes les liquides biologiques de l'homme contiennent ce virus. La contamination de cette maladie peut se faire par toutes les liquides biologiques. Docteur Martin. S'il y a une personne qui a déjà le virus, il va transmettre ce virus par toutes les liquides biologiques, que ce soit le sang, que ce soit les liquides que le patient a vomi, que ce soit les matières fécales que le patient a fait en faisant la diarrhée, que ce soit la salive, que ce soit les urines, toutes ces substances contiennent le virus et il peut en transmettre à quelqu'un qui est en contact direct avec le malade qui a le virus d'Ebola. Docteur Martin tient à signaler qu'il n'y a pas de traitement à l'endroit de ce virus. Le traitement qui est disponible, c'est le traitement des symptômes, le traitement de la fièvre, des douleurs, des vomissements, de la diarrhée. Et s'il y a un choc hypovolémique, c'est le remplissage, c'est-à-dire qu'il faut que le patient soit dans une unité de réanimation pour être bien hydraté. Et s'il y a l'hémorragie partout, ce sont des transfusions. On peut se prévenir de la maladie d'Ebola. Pour ce, il y a des règles à suivre. Il y a les moyens de prévention qui sont primordiaux. S'il y a quelqu'un qui est suspect d'avoir l'Ebola, il ne faut jamais le toucher avec les mains et il ne faut pas que son corps soit en contact avec votre corps. Du coup, il y a des moyens efficaces pour lutter contre ça. Il faut se laver les mains régulièrement, il faut porter les gants, il y a aussi des habits de protection, il faut protéger les yeux par les lunettes, il faut protéger la bouche par des masques. Docteur Martin Manirakiza, infectiologue, ajoute que cette maladie est incurable et que 30 à 90% des personnes atteintes finissent par mourir. Merci Alida Ndaikeza, merci docteur Martin Manirakiza pour ses éclairages sur la maladie d'Ebola. Ainsi se referme ce journal mis en onde par Audrine Ndaikeza et merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Douimana, un bon après-midi.